triste, allez me faire enculer. Les mecs virils sont tristes ou nés. Avec mes potes, on est tous gays. Quand j'étais petit, haut comme trois pommes, je gueulais bien fort pour être un homme. Les fesses se penchent sur mon berceau et me disent ta gueule, tu seras homo. Déjà tout petit dans notre école, on nous rejetait comme la vérole. Comme aujourd'hui rien n'a changé, ils aiment bien casser du PD. Au bal des nazes le samedi soir, berger allemand, casquette Ricard, galette saucisse qui dégouline, touche pas la chatte à la voisine. De merde aseptisée, au bal du foot et des pompiers, une bite à la place du cerveau, Jackie Moumout est un macho. Homo sapiens, homosexuel, la vie c'est pas de la dentelle. Les filles en rose, garçons en bleu, ça veut pas dire qu'on est heureux. Vieux PD, ils me disent d'aller me faire enculer. Les mecs virils sont tristes ou nés. Avec mes potes, on est tous gays. Quand j'étais petit, haut comme trois pommes, je gueulais bien fort pour être un homme. Les fesses se penchent sur mon berceau et me disent ta gueule, tu seras homo.